na kuja mbele yako kwa hii wakati na kutolea maombi. Maisha yangu, tendo yangu, mafikiri yangu, masemo yangu, jamaa vyote, nchi vyote, vijijini vyote, kanisa vyote, itembezwe kwa mapenzi yako, wami.